time become a slack. The IPN's fine. No matter what you may say, no matter what you're doing, they just keep jabbering on. Okay, maybe it was me. I do this kind of things and I like to talk. Be lively, you should be alert. We'd be the first to bite at the very end. Find some ways to cope. Let's be the first to bite. It's dancing with the shark. Bonjour Olivier. Salut Jackal. Bon, je viens de voir sur votre Facebook l'arrivée d'un nouveau bassiste. Alors aujourd'hui, c'est quoi le line-up des Snapboarders? Ok, alors Snapboarders, c'est d'abord Franck au chant depuis toujours, hein, Chris à la batterie et les deux guitaristes Eddie et moi-même Olivier. Alors on a eu plusieurs bassistes. Là récemment, Kevin qui était notre bassiste sur les dernières années a décidé de quitter l'aventure parce qu'il a plein de projets et en même temps c'était compliqué de s'investir partout. On va avoir un nouveau bassiste. On est en train de faire toutes les auditions, on l'annoncera très très prochainement, mais c'est sur une très très très bonne voie. Ce qu'on sait de Snapboarder, c'est que vous êtes de Nancy et que vous êtes formé en 2012. Raconte-nous un petit peu la jeunesse, comment s'est formé le groupe. Snapboarder, à la base, c'est deux potes. C'est Eddie et moi-même, hein, on se connaît depuis le lycée en fait, et on faisait de la guitare ensemble. Et puis arrivé un jour où notre ancien groupe est mort, parce que voilà, l'un partait ailleurs, l'autre aussi, enfin bref, on s'est retrouvés tous les deux comme deux. Et on s'est passé un fameux coup de fil très très important, et je lui ai dit bon, on arrête tout ou on y va? Il m'a dit vas-y go, on y va, on fait le groupe qu'on a toujours voulu faire, du rock costaud, décomplexé, avec des influences métal, parce que nous on est vraiment des métalleux à la base aussi. Donc voilà, donc ça part de deux super potes quoi, et là-dessus se greffe Chris, que moi je connaissais parce que je traînais avec lui à la fac. Et c'était un super batteur, je me suis dit tiens ce mec là en plus il est trop cool, à un moment il va falloir qu'on fasse quelque chose avec quoi. Et lui son groupe à lui c'est un peu cassé la gueule en même temps, donc c'était le meilleur moment en fait, voilà. Donc voilà, je l'ai appelé tout de suite, il m'a dit c'est bon mec, t'as un batteur. Donc on était déjà trois. Et après c'était parti pour les auditions, donc on a auditionné d'abord Franck au chant, et puis ensuite on a été rejoint par Grégory à la basse à l'époque. Alors donc si je compte bien, 2012-2023, on est un petit peu plus de 10 ans d'existence. En 5 moments clés, ce seraient lesquels ? Allez, 5 moments clés sur 10 ans. Bah le premier c'est quand même, moi j'ai une image très claire de ce moment là, c'est la discussion au téléphone avec Eddie, parce que c'est la fondation de Snapboarder, ça a commencé là. Hein, cette discussion on s'est dit allez c'est parti, on fait le rock comme on a toujours envie de le faire. Enfin, on fait vraiment la musique qui nous plaît. Deuxième moment, je te dirais que c'est la qualification. On avait gagné le concours. À l'époque, il était organisé par le Gibus. Alors, des mémoires, c'est 2013 ou 2014. Donc, le Gibus à Paris. Qui faisait un tour des régions. Et en fait, il y avait des battles régionales. Et on pouvait aller jouer après au Gibus pour la finale. Et on avait gagné la battle régionale chez Paulette. Donc, c'est une super salle de concert près de chez nous, dans le Grand Est. Et du coup, on était allé à Paris, tout frais payé, pour défendre notre musique à Paris. Ça, c'était un moment fondateur aussi. Troisième moment, je te dirais que c'est la release party de notre premier album qui s'appelle Alternative Current Box. Dans une salle d'enseigne, on était entouré de tous nos potes. Il y avait plus de 200, 250 personnes. C'était une fête géniale. Un moment vraiment cool parce qu'on a reçu beaucoup de chaleur humaine de nos amis, de nos potes, de nos connaissances qui étaient là, qui nous ont soutenus. Et ça a vraiment, on s'est dit yes. Là, on arrive à faire quelque chose et ouais, ça motive à fond pour la suite. Un moment clé pour moi qui est hyper représentatif de Snapboarder, c'est on a joué un festival dans les Vosges qui s'appelait Les Sapins Barbus. Alors qui n'existe plus maintenant, mais qui était un festival juste dingue, dinguissime par la prog, par l'accueil qu'on a eu, enfin vraiment une folie. On a joué juste derrière le groupe un peu de pirate metal Alestorm. Donc on avait récupéré, il était 1h du matin, on avait 2500 personnes devant nous. Et c'était l'anniversaire d'Eddie, notre guitariste, et on lui a fait une surprise, on lui a rien dit. Et au plein milieu du set, on a tout arrêté et on a fait chanter Joyeux Anniversaire à 2500 personnes. Et on lui a offert une cape de Superman, parce que Eddie, c'est un peu le gars qui a toujours une solution à tout et qui est toujours là pour se casser la tête. C'est un peu l'ingénieur de Snapboarder, quoi. Donc on lui a offert une cape de Superman, donc il était avec sa gratte, la cape de Superman, avec tout le monde devant lui qui lui chantait Joyeux Anniversaire. Ouais, ça, c'était un moment très représentatif de Snap, qu'on est vraiment des potes aussi. Et le dernier, je te dirais que c'est le cinquième, le tournage de notre dernier clip qui s'appelle Evilsion. Là, on était en mode colonie de vacances pendant 3 jours enfermés dans un théâtre. On avait tous les lieux pour nous, on avait toute une bande d'équipe avec nous et c'était juste un moment très très très important. On avait que nos moyens, hein, on a tout fait en do it yourself, donc voilà, on s'est débrouillé avec un budget ultra limité à faire le meilleur clip possible. Et c'était 3 jours absolument fabuleux et qui représentent aussi bien la bonne ambiance qu'on essaie d'avoir dans le groupe et qui représente aussi l'exigence qu'on essaye d'avoir sur notre contenu. Voilà pour les 5 moments clés. Comment tu qualifies l'univers et le style de Snapboarder ? Parce que je sais que les groupes n'aiment pas les étiquettes. Donc, dans quelle catégorie tu joues, en fait ? Alors ça, c'est vraiment une question qui est vraiment spécifique pour Snapboarder. Pour répondre très simplement, nous, on dit qu'on fait du rock alternatif. C'est-à-dire qu'on fait du rock, mais on enlève les barrières et on va chercher dans la pop si on a envie, et surtout aussi dans la lourdeur du métal si on en a envie. Après, c'est toujours compliqué. Pour certains, on est des gentils métalleux. Pour d'autres, on est des méchants rockers. On est un petit peu vraiment sur la ligne de crête entre les deux. Mais c'est quelque chose qui est assez important, notamment quand on veut défendre le groupe auprès de professionnels. Donc auprès des pros, si tu veux, on va être plutôt rock alternatif dynamique, on va dire. Et les influences là-dedans, au niveau des groupes, de ce qui vous a influencé ? Alors nous, on va pas mal chercher dans le métal, c'est marrant, qui se ressent pas forcément dans Snapboarder, mais nous, on écoute beaucoup de groupes comme In Flames, alors là, qui est du death mélodique vraiment hyper costaud, des groupes comme Why She Sleeps aussi, qui là nous parle beaucoup, parce que c'est un groupe de metalcore à la base, mais qui est très très ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des chœurs, il y a des chants clean, il y a des mélodies de guitare, enfin c'est quelque chose qui nous intéresse. Et puis vraiment plus proche de notre style, d'ailleurs on va partager l'affiche avec eux. Je te dirais un groupe comme Papa Roach. Papa Roach qui est vraiment vraiment rock alternatif à la Snapboarder, ou plutôt Snapboarder fait du rock alternatif à la Papa Roach, si on veut être honnête. Et qu'est-ce qui vous inspire, je dirais, au quotidien pour écrire les chansons, les thèmes en général ? Alors ça, c'est plutôt Franck hein, qui compose ça. Il s'inspire beaucoup soit d'épisodes de sa vie, soit d'épisodes extrapolés, on va dire, c'est-à-dire. Et s'il se passait ça, qu'est-ce qui serait et qu'est-ce qui se passerait en fait hein. Et puis l'observation de la société aussi. Ça clairement, on porte notre regard. On aime bien, pas forcément s'engager pleinement, mais permettre aux gens d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire on va mettre la focale sur quelque chose, on va montrer ce qu'on ressent, mais on te dira pas ce que tu dois penser. Le reste, c'est à toi de faire ton petit chemin et de te casser la tête un peu. Alors quel titre de votre répertoire représente-t-il le plus cet état d'esprit en fait ? Ah, moi, je trouve que Newsfeed Icons, il est assez important là-dedans. Déjà, musicalement, il représente bien ce que c'est Snapboarder. C'est des refrains assez porteurs, assez fédérateurs. On aime bien ça. Des rythmiques un peu costauds et des parties mélodiques hyper ouvertes. Ça permet vraiment de créer des tableaux, en fait. Ça, c'est quelque chose qui nous parle. Et il est très représentatif aussi de la façon d'écrire de Franck. C'est-à-dire que voilà, c'est une observation de ce qui se passe autour de nous. Alors justement, tiens, ce titre, la Newsfeed Icons, si je dis pas de bêtises, c'est le second single issu du dernier EP, la Icons, qui est paru le 16 décembre. 2020, hein, il y a deux ans. Un titre qui, si on le traduit, donne littéralement icône du fil d'actualité. Alors, c'est quoi l'esprit de cette chanson? C'est les réseaux sociaux, c'est les actus, BFM, etc. Tu touches au but. En fait, ce qu'on souligne, c'est à travers Newsfeed Icon, c'est qu'on est tous avec nos smartphones là, ou même voilà, les chaînes en continu, hyper, hyper sollicitées par plein d'infos qui tombent tout le temps, même quand tu les veux pas d'ailleurs, hein, ça tombe tout le temps, de toute façon, tu dis pas un mot sans que tu te prennes une pub sur ce que tu viens de dire. Donc c'est assez dramatique. Et finalement, voilà, ce qu'on raconte là-dedans, c'est qu'on est submergé de ces infos-là jusqu'à en vomir presque, hein, juste. Mais on déteste ça, mais finalement, on y revient bien, en fait. On est un petit peu piégé à travers ça parce qu'on est un peu drogué déjà. Et c'est presque un peu trop tard. Hein. On est un peu déjà bloqué là-dedans et voilà. On voulait porter un peu le regard là-dessus. Alors, ce clip, il est sorti il y a deux ans et il totalise déjà 36 000 vues. C'est quoi ton regard sur ça? Déjà, bah, c'est une fierté pour nous. Hein. On est Snapboarder, c'est autoproduit, donc voilà, on se base que sur nos forces. Et on n'est pas poussé par quelqu'un, donc c'est voilà, tout ce qui est fait par nous ou par des gens avec qui on travaille. C'était un super clip parce que d'abord c'est un clip qui a été fait juste à la sortie du confinement. C'était vraiment nous une façon de remettre le pied à l'étrier et ça a été aussi une avancée, c'est-à-dire que c'est notre clip aujourd'hui qui a été le plus vu et on est content de la puissance de ce, même si elle est toute relative hein, par rapport au gros major hein, évidemment, mais on est content de la diffusion de ce clip sachant qu'on s'est donné du mal pour le faire. Ouais. Là justement, là tu parlais du confinement là, mais c'était pas une période facile pour créer des chansons, pour répéter, pour faire cet EP d'ailleurs. Comment vous y êtes pris? Alors là, nous des fois, déjà, on a une anecdote assez marrante, c'est que le confinement a littéralement, mais vraiment littéralement, coupé en deux notre session d'enregistrement d'Icon, justement du nouvel EP. C'est-à-dire, mais vraiment, hein, c'est le matin, on était avec Eddie, donc on enregistrait les guitares. Donc j'étais avec Eddie. On avait pris la température au studio, on discutait avec le mec qui nous enregistrait, avec Simon Muller du FH Studio. On discutait avec lui, et le midi, tout content, on est motivé, on avait commencé à faire quelques prises. On va s'acheter plein de conneries à manger, tout ce que tu veux, enfin voilà, tout pour être bien au studio. On revient chargé de victuailles et là Simon ouvre la porte, il nous dit ouais, par contre les mecs c'est pas possible, là on vient de décréter un confinement généralisé, faut que vous rentriez chez vous. Donc le matin on était en studio complètement excités et l'après-midi on était le cul sur notre canapé avec nos 30 boîtes de cookies et nos bons becs et nos bières et nos machins, etc. Donc voilà, c'était assez révélateur pour nous. Beaucoup de groupes ont fait le choix de pas lancer de morceaux pendant cette période-là, alors que nous on a pris le chemin inverse. Nous on a lancé Icons juste à la sortie du confinement, et enfin 6 mois après, et finalement bah ça nous a permis de faire évoluer un peu nos méthodes de travail. On travaillait plus en ligne, mais on a été aussi très très efficace et ouais, finalement ce qui était vraiment compliqué c'était sur le booking derrière, la défense. Mais sur la création, ça nous a pas handicapé plus que ça. Oui, quand tu dis la défense, après, c'est quoi? C'est les concerts après confinement où les gens ne viennent pas, où il y a difficile ouais, de faire bah, déjà, ça. Ouais, en fait, déjà, nous, sur notre premier album, on avait été sur une dynamique extra, quoi. Pendant 2 ans, on avait pu le défendre, on avait fait même de très très beaux concerts. Et là, bah, tout avait été cassé, en fait, avec le confinement. Donc, c'était hyper dur de faire rejouer pour nous. Et même quand les concerts reprenaient, bah, il y avait 2 années presque de concerts qui avaient été reportés, donc autant dire qu'on était vraiment, vraiment pas prioritaire. Et là, c'était difficile. Il fallait se battre avec nos armes. My pain, I hear this voice inside my head. This into shreds, and these holes in your mind, for you leave these things behind. Knowing you never disappeared, in need of facing yourself, you have no mouth, yet you must scream. Alors, si, j'ai fait un petit calcul. Hein. Donc, cet EP, il est sorti en 2020, soit 4 ans après la sortie du premier album, qui est, lui, paru en 2016. Et, oui. Et 2016, c'était 4 ans après la formation du groupe. J'en conclus, donc. L'EP étant de 2020, que le prochain sera en 2024, non? Alors, écoute-moi, Sherlock. Non, en fait, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est pas fait exprès. C'est marrant, c'est pas fait exprès. Mais ouais, notre but là, c'est de sortir du matériel pour 2024. Et pour tout te dire, on est déjà rentré en studio pour enregistrer 3 premiers titres qui figureront sur le nouvel album. On a déjà enregistré des batteries, là on va rentrer sur des productions de chant. Donc ouais, c'est en route. On est plus que jamais motivé là. C'est juste, on est hyper content des premiers morceaux qui sortent. Donc normalement, en effet, la théorie, la prophétie même va sûrement se vérifier. On va sûrement sortir le prochain album dans l'idéal en 2024, sinon tout début 2025. Donc on va résumer, donc le dernier album en date pour l'instant sur lequel on peut se régaler les oreilles, c'est donc Icons. Il est sorti en 2020, c'est 5 titres et il a été fait à la main, si je puis dire, totalement autoproduit jusqu'au visuel. Ouais. Bah, le visuel d'ailleurs c'est assez amusant, pour tout te dire, on était en train de se faire un bon barbuck des familles, on était en train de se faire un débrief. Enfin, bref, j'ai commencé à mettre le logo du groupe et à demander à Franck de quoi parler l'album en fait. Enfin, les textes sur lesquels il avait écrit. Et j'ai marqué des mots-clés, et puis des mots-clés, et puis des mots-clés. Et puis c'est comme ça qu'on a fait le graphisme de l'EP qui en fait constituait du logo et d'énormément de mots qui ont été imbriqués les uns après les autres par Eddie pendant des longues, longues heures. Et ouais, ça c'est un exemple de notre façon de travailler quoi. C'est un élan créatif et beaucoup d'huile de coude. Hein, et tout l'EP était comme ça. Et de façon générale, Snapboarder travaille comme ça. Après, évidemment, on s'entoure de pros. Hein, c'est-à-dire que l'album, on dit qu'il est autoproduit, mais on l'a enregistré chez des professionnels, chez CHS Prod notamment, qui nous a fait le mixage, et Maxime Keller avec qui on a travaillé sur les voix. Voilà, c'est vraiment autoproduit, mais encadré par des big boss qui savent ce qu'ils font, quoi. Bah tiens, je vais te demander de faire un petit peu de pub là. Donne-nous envie de me précipiter, par exemple, sur le Bandcamp pour commander ce disque. Ah, alors Icons, hein, donc notre dernier EP, on va dire. Allez, en quelques mots, c'est cette musique, c'est un pur concentré de musique. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est venir te soulever le cœur et les tripes. C'est-à-dire que nous, on a fait un album pour que tu puisses mettre à fond dans ta bagnole ou dans tes écouteurs. Ça va te donner la pêche, ça va te donner le smile et tu vas avoir tout ce qu'il faut vraiment pour te retourner le cœur là et pour te motiver pour ta journée. Donc ouais, viens le chercher sur Bandcamp, notre EP, et tu verras, tu regretteras pas. Bon, j'ai trouvé un dossier de presse qui traînait sur Internet. Alors, je sais pas s'il est toujours d'actualité, ce dossier de presse. Et en perspective 2021-2022, il est indiqué enregistrement de 5 nouveaux titres pour le prochain album, enregistrement de versions alternatives, une tournée française et internationale, réalisation de 3 clips vidéo, enregistrement live et résidence d'artistes. Vous en êtes où dans la liste, là? Dans la liste. Alors déjà, donc l'EP, il a été fait, hein, donc là, tu peux cocher hein, sur ta liste d'items, là. D'accord. Là, c'est fait. Par contre, sur toute la partie booking, évidemment qu'on s'est fait défoncer nos projets, hein, parce que c'était un press kit que j'avais fait dans les années en 2020, donc après que le Covid, tout a été dégommé. Bon, on avait même des projets de tour au Mexique, parce qu'on avait des contacts là-haut, mais tout est un peu tombé à l'eau. Donc là, on reprend tout doucement là-dessus. Enregistrement live, on l'a fait il y a pas longtemps, sur une émission qui s'appelle Le Rock à Kiki, près de Lyon, et on continue à aussi travailler là-dessus parce qu'on est satisfait mais pas comme on voudrait, donc on va continuer à bosser là-dessus. Par contre, la résidence, on en a fait pas mal. Il n'y a rien de mieux pour avancer et donner beaucoup de cohésion au groupe. Donc ça, ouais, on l'a fait. Version alternative, on en a fait des acoustiques, mais on les a pas enregistrés concrètement, mais on les joue à certaines occasions très très très précises. Donc voilà. Et au niveau concert, festival, comment se remplit l'agenda ? C'est beaucoup mieux qu'avant, et là on a une date clé, mais vraiment une date clé qui est tombée. C'est, on va jouer dans un festival qui s'appelle en Meurthe-et-Moselle le Jardin du Michel. Là, on va croiser la route de Papa Roach, justement, de Skip the Use, de Kali, de Mademoiselle K, enfin des noms absolument géniaux. Et donc ça, c'est un peu notre tête d'affiche en termes de date, quoi. Et sinon, ça se remplit pas mal. On va un petit peu jouer sur un très très grand quart Grand Est. Donc c'est correct, sachant qu'on est quand même nous dans une année un peu de transition parce qu'on enregistre en même temps les nouveaux morceaux. Mais c'est plutôt bien parce que ça nous remet vraiment en route pour la suite. Donc on est ravis. Vous les testez un peu sur scène les nouveaux morceaux là ? Et là justement, en fait, l'optique de nous faire des petites salves et d'enregistrer les morceaux et de les produire vite. Ça nous permet de tester sur scène et je peux déjà te dire que sur le JDM on va avoir trois nouveaux morceaux du nouvel album que personne n'aura entendu avant. Donc là, tu dis comment le festival il s'appelle là, le jardin de... Alors c'est le Jardin du Michel. Le Jardin du Michel. Ouais, ça se passe sur 3 jours et c'est 2, 3, 4 juin. Et nous on joue le 4 juin. Donc ça c'est un truc dingue, mais s'il y avait un truc vraiment dingue à réaliser, ce serait lequel ? C'est compliqué. Nous ce qu'on aime bien c'est les habillages de scène. Alors je vais te dire des lance-flammes à la Rammstein, mais en même temps des visuels comme font les groupes d'électro, et puis voilà. ou alors nous, ce qui nous plairait aussi, ce qui nous ressemblerait pas mal, c'est faire des arrangements avec 50 chœurs et puis un orchestre en faux. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose qui nous plairait. Ouais, comme ça devient la mode hein, d'ailleurs, hein, ça devient pas mal à la mode et il y a des groupes comme Dream Mix the Horizon qui l'ont fait, Don Broco, et ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Ouais. Vous êtes relativement présent hein, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important pour vous, c'est un passage obligatoire de nos jours ? On choisit nos réseaux, hein. C'est-à-dire que certains, on va se mettre que sur ceux sur lesquels on est à l'aise. Donc nous, on est principalement sur Facebook, Instagram et YouTube notamment. Ouais, nous, ça nous permet justement, c'est un peu une de nos armes, c'est que vu que voilà, on doit un peu se créer notre communauté nous-mêmes. Enfin, on est hyper présent, on essaie d'être proche des gens, on répond aux messages, aux sollicitations, on interagit avec eux, on se marre des fois avec eux. Hein, par exemple, là, on est sur un tremplin pour aller jouer au Hellfest. Typiquement, on a des retours absolument extraordinaires de notre communauté. Et ça, pour entretenir ça, tu es obligé, mais nous, c'est pas une obligation, c'est plutôt un bonheur de le faire. Il faut être présent sur les réseaux. C'est un outil de communication indispensable pour peu qu'ils nous correspondent. Tu verras pas trop Snapboarder sur TikTok, quoi. Mais bon, ça, après, c'est une question de génération. On se met aussi sur les réseaux qui sont utilisés par notre public. C'est grâce à Internet que le business de la musique, il a évolué, hein, notre façon de consommer la musique. Certains disent que c'était mieux avant. Alors, je sais pas si toi, t'as connu vraiment avant. T'en penses quoi, ça ? C'était mieux ou pas ? Je dirais pas que c'est mieux ou moins bien. Je dirais que c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Ça veut dire que c'est plus simple parce que c'est beaucoup plus facile de faire et de diffuser de la musique. Hein. Tu te mets dans ton garage, tu t'enregistres à faire des reprises au cas où, tu peux les balancer sur Spotify derrière si t'as envie. C'est ça, tu peux le faire. Ou sur d'autres trucs, ou sur des radios. Mais du coup, tout le monde peut faire les choses et du coup, ça, je sais pas comment dire, mais ça nivelle un peu la puissance des groupes. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'offres. Que vas-y, pour sortir du marécage des groupes, t'as intérêt à être balèze, quoi. Ou vraiment t'accrocher. Et donc là, c'est un côté qui est un peu plus négatif. Moi, j'aimais pas mal quand il y avait des méga gros groupes. Moi, je suis fan de Maiden ou des groupes comme ça, et j'ai peur que ces groupes-là disparaissent parce que on zappe beaucoup plus vite. Alors, il y a des super groupes, hein. Mais leur durée de vie est beaucoup plus courte en fait. Voilà, c'est. Mais il y a une pluralité de groupes. Donc voilà, c'est. Je pense qu'il faut pas pleurer sur le passé, il faut s'adapter quoi. De toute façon, il faut avancer. On ralentit pas le mouvement, hein, donc il faut s'accrocher un peu marche ou crève quoi. Donc on y va. Il y a un peu de nostalgie ouais par rapport à moi. Ouais. Je pense à Maiden parce que c'est un groupe que j'ai pas miné toute leur discographie comme certains ont fait, mais j'ai toujours eu du plaisir à les voir en live parce qu'ils sont vraiment authentiques. Ils sont puissants et ils ont une aura, voilà, c'est des légendes comme d'autres ont été des légendes avant et j'ai peur qu'on perde ce côté légende. Voilà. Bon, tu le sais, hein, je vous ai découvert sur le prix Ricard et sa live musique. Ouais. T'as un regard particulier sur ce genre de tremplin ? Bah déjà, c'est une bonne chose parce que tu nous as trouvé grâce à ça. Donc ça veut dire que mine de rien, il y a un intérêt. Après, nous, les tremplins ont été un petit peu un élément important dans la création de Snapboarder et dans son essor, dans le sens où ça permet d'avoir pas mal de visibilité, souvent avec un investissement modéré, donc c'est plutôt un bon calcul. Nous, on en a fait beaucoup au niveau local. Comme je t'avais dit plus tôt, celui du Gibus nous avait aussi pas mal servi et nous donnait une certaine légitimité. Donc, nous, c'est toujours important. Je te dis, on est aussi dans ce lit pour aller jouer au Hellfest. Je dis pas qu'on va faire tous les tremplins du monde, surtout que voilà, Snapboarder, maintenant, c'est un album, un EP, un deuxième album en prépa. Donc, on n'est pas toujours ciblé par ces dispositifs-là, mais je crois qu'il faut pas cracher dessus. Et la visibilité d'un groupe, ça passe par une multitude de voix, dont les tremplins. Bon, écoute, on arrive à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, j'ai envie de vous dire, si vous connaissez pas Snapboarder, venez sur les réseaux, soyez curieux. Ça coûte rien, ça vous prend 10 secondes, vous allez cliquer, vous tapez Snapboarder, vous pouvez nous trouver partout. Peu importe votre réseau, vous tomberez sur nous. Et puis, un grand merci à toi d'avoir pris le temps d'apprendre à nous connaître. Et d'avoir fait un peu de visibilité pour Snapboarder, c'est tout à ton honneur. Donc on voulait aussi également te remercier, toi. Bon, pour conclure, je propose qu'on écoute, Newfeed Icons. Parfait. Ah, et je vais te laisser nous le présenter. Salut, c'est Yeye de Snapboarder, et maintenant vous allez écouter directement Newfeed Icons, tiré de notre dernier EP Icons. Allez, bonne écoute. Sometimes they try to make me change my mind. Will scandals and fact, these are toxic to my soul.